Est-ce que ce vivant à regret, que la chair indigne, et qui jadis nia l'âme des femmes, qui préfère à l'hymen aux purs épithalames, au nid, ce suicide affreux, le célibat, qui voudrait qu'à son gré le firmament tombât, qui devant Josué soufflette Galilée, qui dresse un noir bûcher dans ton ombre étoilée, et tâche d'éclipser l'aube au sommet du mont, Torquemada là-bas, chez nous, l'aubardement. Qui dans l'Inde, en Espagne, au Mexique, aux Cévennes, saigna l'humanité gisante aux quatre veines, qui voit la guerre et chante un Te Deum dessus, qui repérait Judas et reclouerait Jésus, indulgent à qui règne et sévère à qui souffre, ayant sous lui l'erreur comme l'onde a le gouffre, sorte d'homme terrible où l'on peut naufrager. Dis, est-ce que moi, pâle et flottant passager, qui veut la clarté vraie et non la lueur fausse, je dois faire appeler cet homme sur ma fosse? Est-ce que sur la tombe il est le bienvenu? Est-ce qu'il est celui qu'écoute l'inconnu? Est-ce que sa voix porte au-delà de la terre? Est-ce qu'il a le droit de parler au mystère? Est-ce qu'il est ton prêtre? Est-ce qu'il sait ton nom? Je vois Dieu dans les cieux faire signe que non.